Dis-moi l'envie qui te hante, je l'assouvirai. La moindre de tes attentes, je la comblerai. Dis-moi les mots qui te plaisent, je te les dirai. Ces pensées qui se taisent, et je les oserai. Et puis, je t'aimerai. Et puis, je t'aimerai. Dis-moi les murs qui se dressent, je les franchirai. Tes blessures, tes faiblesses, je les caresserai. Dis-moi où est l'étincelle, je l'enflammerai. Mais ne dis pas l'essentiel, je le découvrirai. Et puis, je t'aimerai. Et puis, je t'aimerai. Dis-moi l'amant dont tu rêves, je le deviendrai. Les gestes au bout de sève, je les apprendrai. Dis-moi le temps qui me reste pour le venir enfin. Celui qui sait tous les gestes pour vivre des nuits sans fin. Et puis, je partirai. Et puis, je partirai.